s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on est un peu nombreux. On va faire une émission autour du thème du don. Donc, c'est très vaste. Donc, je suis avec Queen. Salut. Avec Emmanuel. Salut. Avec Ahmed. Salut. Avec Néama. Salut. Et Brittany. Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va faire une émission sur le thème du don. Donc, pour partir sur les chapeaux de roue, déjà, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'un don ? Je vais prendre la parole en premier. Alors, un don, c'est comme le dit le terme, c'est le fait de donner quelque chose de soi. Donc, ça peut être un don du sang, un don d'organes. Ça peut être aussi des choses pas de soi, comme par exemple l'argent, des dons d'argent, etc. Pour compléter, c'est en fait, c'est donner quelque chose sans recevoir forcément. Parce que le principe du don, c'est on n'attend rien derrière. Et vous ? C'est quoi votre définition ? Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Ça donne une définition assez large de ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà donné, vous, personnellement, quelque chose dans votre vie ? Alors, des vêtements, des objets, des choses qui ne me servaient plus. Et pourquoi t'as donné ça ? Parce que j'en avais trop et que je sais que d'autres sont dans le besoin. Ok. Qui ont besoin d'aide. Et t'as donné ça dans quel contexte ? T'as été contacté par des associations ou des trucs comme ça ? Non. Enfin, j'ai donné à des organismes comme le Secours Populaire, des choses comme ça. Ok. D'accord. Et vous ? Moi, j'ai déjà fait un don du sang. Et oui, bah, pareil, des vêtements, tout ça, ce qui ne me servait plus, donc des objets, etc. Ok. Mais du coup, moi, je peux pas donner mon sang parce que je n'ai pas le poids. Mais je peux donner... Enfin, j'ai déjà donné de l'argent. Et à plusieurs types d'associations, type Coexister, notre association. Et Néama, t'as déjà donné des dons ? Oui, bien sûr, parfois d'argent. Ok. Des vêtements, la nourriture. Ok. Il y a aussi le don d'aliments. Quand on voit les SDF, mais nous, en plus, on a fait des maraudes. La dernière fois, on a fait une maraude, ouais. On a distribué, on a fait des plats, on a distribué ça aux SDF dans les rues de Nancy. Et voilà. Et sinon, moi, personnellement, j'en ai fait pas beaucoup, je dirais. C'était surtout quand j'avais de la monnaie sur moi, donner à des SDF ou des gens qui avaient besoin, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, en lien avec ça, vous savez, il y a quoi comme don ? Quels sont les types de dons ? Et quelles sont les conditions, les limites qu'on impose ? Il y a le don du sang. Ouais. Et donc il y a certaines règles à suivre. Donc par exemple, il y a un poids limite. Enfin, un poids minimum. Ouais, ouais. Merci. Il y a aussi y a certaines règles. Par exemple, si on s'est fait tatouer dans les 4 mois ou dans les 6 mois, je ne sais plus exactement, on ne peut pas donner notre sang. Si on prend aussi des médicaments. Ouais, des médicaments, tout ce qui est traitement, tout ça. Si tu as une maladie aussi, je pense que ça doit être compliqué pour donner son sang. C'est vrai. Après, tu as aussi les dons de cheveux, donc les dons d'argent, on en a parlé. Il y a aussi les dons de gamètes. Est-ce que vous envisagez un jour de doter vos gamètes ou pas ? C'est jamais venu à l'idée personnellement. Comment ? C'est jamais venu à l'idée personnellement. Ok. Personnellement non plus, mais je vois pas de contre à ça, personnellement. Non, moi non. non. Ok. Et pourquoi non ? Enfin, non, ça m'est pas venu. Comme dit Emmanuel, c'est. Enfin, je sais pas. T'as pas encore pensé ? Non. Ouais, okay. T'as pas d'avis sur le sujet ? Tu veux pas avoir un marmot que tu connais pas dans la... Non, voilà, c'est. Parce que c'est une question à poser. Ça. Si jamais un jour vous faites des dons de gamètes, est-ce que ça vous dérangerait, entre guillemets, d'avoir un enfant qui est à vous. Enfin. À vous, entre guillemets, biologiquement qui se balade dans la nature et que vous ne sachiez pas qui c'est, etc. Ouais, du coup, moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que ça peut être utile pour d'autres personnes qui sont atteintes d'infertilité et que moi, j'ai assez de gamètes, d'ovocytes en question. Non, ça ne me dérange pas, mais après, je sais que récemment, en 2021, il y a la levée d'anonymat par rapport aux gamètes et tout, par rapport aux spermatozoïdes et aux ovocytes. Donc maintenant, et donc ça pose. Ouais. Les gens qui font des demandes pour avoir des gamètes, etc., ouais. Ils peuvent savoir qui les donne, c'est ça ? Alors non, en fait, la question ici, c'est à partir de l'enfant qui a reçu, ben, l'enfant qui est conçu par les dons, à partir de sa majorité, donc 18 ans, il peut faire la demande de savoir c'est qui son père biologique ou sa mère biologique, mais ce n'est pas dit que ben voilà, tu as été conçu par tel ou tel monsieur, mais il faut faire la demande parce qu'auparavant, ils ont respecté l'anonymat des donneurs et de donneuses parce que ben, justement, ils avaient peur que l'enfant retourne, qu'il y a beaucoup d'histoires et que l'anonymat. Et qu'il n'y a plus d'anonymat, mais récemment, il y a la loi bioéthique, je crois, qui a soulevé le fait que, justement, ces enfants qui ont été conçus ont des problèmes d'identité. Ils se demandent, je viens d'où ? C'est quoi mes parents ? C'est quoi mes origines ? Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a la levée. Je savais pas qu'il y avait une levée. Ouais. Et moi, tu vois, je pensais que c'était de base comme ça que tu pouvais savoir à partir de 18 ans. Non, mais faut faire une demande. Est-ce que du coup, quand t'es donneur, tu peux dire être, enfin, tu peux vouloir que oui. l'enfant veuille savoir qui t'es ou oui. non, j'ai eu un peu de mal à le dire, mais oui, tu peux. Tu peux, mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui te disent que que je souhaite que l'enfant sache qui je suis. Et même l'année dernière, avec la levée, il y a beaucoup de personnes qui ont hésité. Il y a même un sondage qui a été réalisé sur le fait que est-ce que vous pouvez donner vos gamètes s'il y a la levée d'anonymat, et beaucoup ont répondu non. L'autre problème qui se pose aussi, c'est que avant 2021, il y avait des donneurs et des donneuses. Donc ils se sont dit que je donne parce qu'il y a justement l'anonymat, mais à partir de 2021, il y a beaucoup de gamètes qui ont été jetés parce que il y a des personnes qui ont dit non, en fait, avec la nouvelle loi, je ne souhaite pas que l'enfant un jour sache qui je suis. Après, dans un sens, ça peut se comprendre que ça peut faire peur à certaines personnes qu'on se fasse retrouver un jour par quelqu'un qui se dit être notre enfant biologique. Ouais. Et puis, enfin, ça peut être un peu stressant, surtout pour les personnes qui, par exemple, ne veulent pas d'enfants, par exemple. Ou sont riches et qu'ils se demandent. Oui, ou aussi. Salut, je viens pour l'héritage. Ouais. Ça peut être aussi, mais oui, c'est vrai que ça peut faire peur. Emmanuela, tu voulais dire quelque chose ? Moi, c'est pas très pertinent, mais ça va penser à un documentaire qui est sur Netflix que j'ai pas vu. J'ai entendu parler de ça sur Twitter, il me semble que c'était un. Enfin, il y a eu une dérive il y a plusieurs années d'un docteur qui avait donné plein de gamètes, et du coup, ça avait fait un problème, c'est-à-dire qu'il y avait eu trop d'enfants de lui dans le même voisinage. Je crois que j'avais entendu parler de ça. Oui, okay. Oui, je crois, oui. Et du coup, les enfants, ils étaient comment ? Enfin, ils étaient en deux. Ils étaient. Est-ce qu'ils ont contacté le monsieur en question parce qu'ils voulaient juste savoir c'est qui leur père ou il y avait d'autres problèmes ? J'ai pas regardé du tout, donc je sais pas. Vu comment tu l'expliques, je pense que le problème, ça pourrait être les problèmes de consanguinité, je pense. Oui, si c'est ça. Voisinage, parce que je crois que c'était plus de 1000, quelque chose comme ça. Ah oui. Oh là, il a charbonné. Dans le même coin, donc c'était un vrai problème. C'est pas possible de donner autant. En fait. Bah oui, c'est pas en France. Hein, parce que, ouais. Ouais, c'est aux États-Unis. Ok, ouais, parce que c'est impressionnant quand même. Je m'attendais mais pas à autant de. Après, ça a pas avec tout ça parce que j'ai pas regardé le documentaire du tout et j'ai juste vu des infos passer et c'était vraiment énorme comme chiffre. Ok. Du coup, par rapport aux dons, par rapport à tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des dérives de dons ? Là, on parle de dérives de ce monsieur qui a trop donné, mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres types de dérives sur d'autres types de dons ? Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certaines personnes qui vendent des organes pour pouvoir, par exemple, payer leurs études ou pouvoir avoir de l'argent. Ouais. Et donc ça va à la clinique, ça se vend un rein et puis c'est vrai. C'est incroyable. C'est ça. Pas dans le bon sens du terme. Après, en soi, si c'est fait légalement et que ça peut aider, pourquoi pas ? Et puis si ça peut dépanner les gens dans le besoin, mais ça reste quand même un exemple de dérive où tu peux te vendre des parties de toi-même. Ouais, mais en fait, aux États-Unis. Pour tout ce qui est les dons, enfin, il n'y a pas de dons d'organes aux États-Unis et je crois aussi dans un autre pays où c'est pas sur le principe de don, mais c'est en fait si tu donnes tes organes, tu reçois une récompense de l'argent en question. Oui, une sorte d'indemnisation. C'est ça. Mais alors qu'en France, les dons, ça doit être anonyme, ça doit être volontaire, ça doit être consentant et ça doit être fait de manière bénévole. Alors que moi, j'ai plein d'histoires en tête où en Asie, il y a beaucoup de trafic d'organes sur, je sais qu'en Chine, il y a des personnes qui se font kidnapper et puis après ces personnes qui ont été kidnappées, il y a des trafics d'organes sur ces enfants, les enfants et les adultes. Après, ça arrive en France aussi quand même. Oui, mais peu. Oui, c'est certes beaucoup moins, mais ça arrive quand même, donc il faut quand même faire attention. C'est ça. Comme disait ma maman quand j'étais petit, il y a des messieurs qui te prennent dans leur camionnette et puis qui te... Ouais. Tes organes. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est chaud quand même. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut monétiser les dons ou pas? Oui, non, parce que dans un sens, ça pousserait plus de gens à donner, je pense. Certaines personnes seraient plus aptes à donner en mode, ils vont dire, oh, je veux bien donner un peu de cheveux si j'ai de l'argent en échange, quoi. Ouais. Mais après, ça va les cheveux encore. Oui, mais certaines personnes veulent vraiment rien donner, quoi. Donc. Après, c'est du bon vouloir de chacun, mais comment et non aussi, dans le sens où... je me perds, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui et non, c'est pareil, c'est que ça peut être bien dans un sens où ça peut amener des gens à donner plus, mais c'est pas super éthique de... Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. De se vendre des trucs, des bouts de soie, parce que... il te manque de l'argent, il faudrait trouver d'autres moyens pour avoir de l'argent plutôt que d'en arriver à ce point-là. Ouais. Ça te nature aussi le principe du don. Ouais. Oui, aussi en plus. Mais du coup, donc, ça veut dire que Emmanuela, tu n'es pas du tout dans tout ce qui est monétiser les dons. Je suis d'accord aussi dans le fait que ça peut attirer à donner, mais en même temps, je pense que ça peut amener des dérives. Forcément. Ouais. Queen, par contre, je crois que c'est Emmanuel. Ah, pardon. Je crois que tu me donnais un petit surnom. Excuse-moi. Ouais, du coup, moi, je ne suis pas du tout pour ça. C'est un non, non, non, non. Parce que, du coup, moi, je pense plus qu'il y a des dérives. Par exemple, si tu fais si tu donnes ton organe et que tu es tellement... dans la précarité que tu te dis, écoute, un jour je vais donner tel organe, l'autre jour je vais donner un autre organe, alors que forcément, enfin, tu auras d'autres moyens de trouver de l'argent, mais pas en vendant ton corps. Et donc, c'est pour ça que je me dis que les dons, enfin, ça doit rester les dons, ça doit être fait de manière bénévole. Et du coup, j'ai trop peur pour mes enfants après. Oui, parce qu'après, s'il y a une récompense à la clé, plus de personnes mal intentionnées pourraient se dire « je vais prendre les organes de celui-là ». Après, je pense que les organes, enfin, ils ne vont pas prendre des organes dans une glacière. Genre, oui, non, c'est ça sûr. Ça sera du bon vouloir de la personne quand même. Après, voilà. Après, je comprends aussi dans les pays qui sont en précarité, comme par exemple en Inde, où déjà tout ce qui est médical n'est pas au top, n'est pas comme aux États-Unis, en France, ou en Europe. Donc je comprends le principe qu'il y a un manque, il y a un manque économique et il y a des pénuries d'organes. Et donc c'est presque la seule solution, on va dire, c'est la solution extrême pour avoir un organe. Mais c'est pas, voilà. Après, ça reste un trafic. Oui, c'est sûr. En parlant de pénurie, d'ailleurs, comme disait Emmanuel tout à l'heure, quand on en discutait un petit peu avant l'émission, c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu aussi une pénurie de dons de sang. Ouais. Et donc, il n'y a vraiment plus beaucoup de sang. Il y a l'autorité qui gère ça, qui a alerté, par exemple, sur Twitter, qui a dit... Le FS. Oui, c'est ça, qui manquait, je crois... environ 200 000 poches de sang qu'il en manquait en 2 mois pour pouvoir gérer ce qui se passait pendant l'été, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'important à faire et qui peut sauver des vies. Donc si jamais vous pouvez donner et que vous voulez bien sûr donner du sang, faut vraiment pas hésiter, même une fois, ça peut aider, c'est petit peu par petit peu qu'on finit par... Ils sont en alerte urgente, et ce qui est fou, c'est que c'est la deuxième fois de leur histoire qu'ils sont... en alerte urgente, justement, à ce point. Ok. Du coup, là, on parle de tout ce qui est argent, le pour et le contre, pour monétiser. Une autre question, est-ce que vous pensez qu'il faut imposer aux personnes, tout comme les impôts, d'imposer aux personnes de faire les dons? Non, parce que, personnellement, je pense que c'est un truc... ça reste notre corps, notre propriété. Ça reste quelque chose de sacré, entre guillemets. Non, là, je parle de... Enfin, dons d'organes, oui, mais d'autres dons encore. C'est les dons en général. Bah là, argent ou des choses comme ça, ou alimentaire. Je te parle des dons d'organes surtout. Après, je viendrai au reste, mais pour les dons d'organes, je pense pas que ce soit bien de d'imposer ça, parce que enfin, ça reste ton intégrité, ton corps, etc. Et que enfin, je vois pas pourquoi et en quel honneur t'obligerais quelqu'un à donner des parties d'elle, même si elle est décédée, tu vois. Mm-mm. Et que c'est important de chacun s'exprimer sur, sur le vouloir ou non de donner ses organes. Et c'est important aussi d'en parler à ses proches autour de soi avant qu'il se passe quelque chose et que tu décèdes. Faire les directives anticipées. C'est ça, pour savoir si tu veux donner et que tes proches sachent quoi répondre, quoi. C'est ça. Et les dons en général. Et après, les dons en général... Je pense pas non plus que ça soit important d'obliger les gens à donner, mais plus que ça soit des trucs qui viennent du gouvernement, plus d'aide, etc., pour les personnes qui sont vraiment en précarité, etc., tu vois. Ok. Brittany ? Moi, je rejoins ce que dit Maxime, je suis d'accord avec ce qui est dit. Pour ce qui est d'obliger à donner, je suis vraiment pas d'accord avec ça, dans le sens où forcer les gens à faire ce qu'ils veulent pas forcément faire, je trouve pas ça... Mais pourtant, tu donnes aux impôts. Ouais, mais après là oui c'est oui mais ça ouais, après mais tu vois les impôts ça sert pour les retraites et tout pour les retraites pour l'hôpital pour la, les communs enfin pour la voie publique etc enfin ça sert quand même à quelque chose les impôts qu'on donne oui ouais, à... mais du coup enfin là je prends pas du tout les dons d'organes en question mais je prends par exemple les dons alimentaires ou dons d'argent. Là, ça va aussi te servir un jour. Par exemple, si aujourd'hui, bah, tu es dans la classe moyenne, mais que demain, tu es en précarité. Au final, l'argent que tu as donné te revient. Certes, mais je pense que ça, y aurait trop de... ça serait trop compliqué à mettre en place et il y aurait trop de dérives, je pense. Ok. Dans le sens où y aurait des gens qui en profiteraient, ceux qui auraient le plus besoin, ils en profiteraient pas, tu vois, genre... Ok. Ce genre de choses. Ok. Emmanuel ? Moi, je suis d'accord. Ok. J'ai rien à dire de plus. Ok. Et pourtant, c'est super paradoxal parce que quand vous faites des dons d'argent, c'est réduit sur les impôts. Donc au final, c'est pas vraiment. Oui, mais après. Tu ça... donnes, mais tu reçois quand même quelque chose derrière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... Donc au final, est-ce que c'est un don ou pas ? Ça reste un moyen de réduire ses impôts, certes. Ouais. Mais ça dépend après. Après, tu vois, ça reste un moyen de diriger à qui va ton argent. Si tu donnes à une association, par exemple. Mais il faut trouver l'association qui te plaît vraiment et puis savoir où va l'argent, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations et d'associations de nos jours qui font un peu n'importe quoi de ce qu'on leur donne. Quoi. Ok. Et donc, ça veut dire que les dons, est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt général ou individuel ? Je dirais plus individuel, pour le coup. Dans le sens où ça profite à une personne ou un groupe spécifique de personnes plutôt que à l'ensemble des gens. Donc c'est général. Bah non, parce que ça reste, ça reste un panel de personnes réduit plutôt que oui, enfin c'est le monde au sens ouais. Large du terme, tu vois. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand toi tu donnes, est-ce que ça a un intérêt pour toi ou pour que l'autre? Tu te sentes bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ah. Est-ce que c'est un devoir moral ou est-ce que tu le fais parce que t'as envie de le faire? Après, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, tu peux exact. Avoir envie de le faire et en même temps, tu récupères une bonne morale. Ouais. Donc, je pense un bon que... karma. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en soi, personnellement, je sais que quand je donne de l'argent, c'est que genre, j'en ai pas spécialement besoin de mes pièces et que la personne à qui je la donne en a plus besoin. Donc, c'est juste pour rendre service, je dirais. Emmanuel, t'en penses quoi ? C'est une bonne question. Mais je pense que dans certains cas, ça peut être individuel, mais je pense surtout aux personnes qui font des dons, mais pas forcément de manière sincère. Mmh. Tu peux nous donner des exemples par exemple, les personnes qui se filment en train de donner des aides. C'est ça. Les youtubeurs et tout, là, les influenceurs. Comme ça, ouais. Pour se donner bon dos aux ça, yeux ouais. du monde, mais ouais. en fait, bonne image, ouais. ils en ont rien à faire. C'est ça. D'ailleurs, t'allais dire quelque chose ? D'ailleurs, petite anecdote, si vous passez en caisse dans les magasins et qu'ils vous proposent d'arrondir la somme pour donner à une association ou quoi, il faut réfléchir à ça parce que ensuite c'est l'entreprise qui reverse elle-même à l'association et donc ça leur réduit les impôts. C'est pour ça que du coup qu'ils font, qu'ils font la collecte de dons, donc il faut le savoir si vous voulez donner... directement vous à l'association ou passer par l'entreprise et que ça leur réduira les impôts par la suite. Faut attention à toutes les entreprises ou les associations qui profitent justement de la charité des gens. Mais comment faire la différence entre le bien et le mal? En fait, faut être bien renseigné et puis même ça, c'est pas facile parce que trouver les bonnes infos, ça, c'est pas évident. Oui, c'est ça, faut savoir faire la différence entre les associations qui sont totalement transparentes sur ce qu'elles font de l'argent contre celles qui en font n'importe quoi, quoi. Après, par exemple personnel, il y a quelques années aussi, je donnais beaucoup à une association qui s'appelle Les Enfants d'Asie. C'est quoi ça? C'est une association qui aide des enfants qui sont en Asie, donc tout ce qui est Cambodge, Vietnam, tout ça. Et du coup, je les aidais beaucoup et je faisais beaucoup de dons et j'ai jamais vraiment su où est-ce que allait mon argent et si ça aidait vraiment. Donc après, j'espère que ce que j'ai donné, ça a aidé des enfants et ça, voilà, mais j'ai jamais vraiment eu de nouvelles, quoi. Ok. Mais t'étais marraine d'un enfant? Ouais. Ok. On va faire une petite pause, on va reprendre après. On est toujours dans Co-Exprime. On se retrouve après une petite interlude musicale avec... Jason Derulo. Avec Jason Derulo, Want to Want Me. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Exprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. On est de retour dans Coexprime, donc avec Queen, Emmanuel, Ahmed, Nehama et Brittany. Et aujourd'hui, on parle du don. Donc tout à l'heure, on a parlé un peu du don en général. On a évoqué un peu l'aspect moral, etc. Et maintenant, on va continuer à parler du don. Mais je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques ou des particularités sur le don dans les religions? Par rapport à l'islam, en fait, ça dépend principalement sur le consentement de la personne qui va faire le don, si il accepte de le faire. Et il y a un nouveau mouvement entre des imams fameux en Égypte qui encourage à faire le don après le don des organes, après le mort. Mais il y a du monde qui ne l'accepte pas parmi eux. Est-ce que tu sais si dans le Coran, il y a des passages qui parlent du don? Il n'y a pas des passages qui parlent de dons d'organes du tout. Mais... Du don ou de la charité, par exemple? Oui, il y a des passages qui parlent de la charité et de sacrifier pour ses frères et pour la société. Et la personne qui fait l'acte de donner, le donneur, a une grande valeur chez le Dieu. D'accord. Ok. Le don? Oui. Est-ce que c'est fait parce que la personne, elle se dit, c'est une notion qui est bien et que tu peux après aller au paradis après la mort? Oui. D'accord. Et dans d'autres courants, est-ce que vous êtes au courant ou pas? Pour le coup, j'avoue que je ne m'y connais pas énormément dans les religions. Donc ok. Après, moi, j'ai l'exemple des témoins de Jéhovah, ouais, qui refusent de recevoir du sang. Ouais. Par contre, pour le donner, par exemple, je ne sais pas s'ils peuvent, mais je sais qu'ils ne veulent pas en recevoir. J'avais vu ça dans un épisode de Grey's Anatomy. Oui, moi aussi. Et du coup, c'est quoi la raison? Il me semble que c'est parce qu'en fait, si Dieu a décidé que... qu'il allait entre guillemets perdre son sang, en fait la personne n'est pas personne pour décider de prendre le sang de quelqu'un d'autre pour son utilisation personnelle, quoi. Donc voilà. Ok. Et question suivante, quelles sont les conditions pour pouvoir donner de son vivant, si on se ressent plus sur les dons d'organes? Alors, donner de son vivant, organes, sang, etc. Ouais. Y a par exemple, quand une personne a une cirrhose, par exemple, on peut faire des dons de foie, entre guillemets, une partie du foie pour aider si t'es compatible, etc. Y a le don de sang, évidemment. Après, autre chose... Là, c'est les conditions plutôt, non, ouais, que tu poses. Sous quelles conditions, par exemple, tu peux... Enfin, t'en as dit une, le fait d'être compatible avec la personne. Oui, voilà, être compatible. Du coup, tout à l'heure, on a un peu parlé... C'est le fait que le don doit être bénévole, anonyme, gratuit. Et on peut aussi donner, quand on est vivant, j'ai oublié ce que je... Ah oui, quand on est adulte. Mais sinon, si on est mineur, on peut aussi donner pour ses frères et ses sœurs si y a un intérêt médical derrière et que le frère ou la sœur est vraiment à un stade très avancé de la maladie. Et donc le mineur donne son consentement, mais il doit avoir aussi la signature et le consentement d'un représentant légal. Et qu'est-ce qu'on peut donner physiquement de notre vivant? On peut donner quoi à part le sang qu'on connaît tous? Les cheveux. Ou des gamètes? On peut donner des cheveux, ouais. Le rein, une partie du foie, aussi la cornée, les tissus aussi. Il y a des greffes, de la peau aussi. Ouais, c'est ça. Il y a la moelle osseuse aussi qu'on peut donner. Ouais, c'est ça. Et ça, j'avais entendu dire que c'était super rare la compatibilité, que c'était genre une personne sur 1 million avec qui on était compatible. Et c'était très douloureux aussi. Ouais. J'ai vu ça dans Grey's Anatomy. Moi aussi. C'est une référence. Mais je me posais une question là, c'est même de monter. Est-ce qu'on peut dire que les mains porteuses, c'est un don? Parce qu'on met à disposition son corps pour porter un enfant. Je pense que ça peut être un don. Mais encore une fois, aux États-Unis, les mères porteuses sont payées. Oui, c'est vrai. Par exemple, je sais que je connais des histoires où la mère porteuse, c'est une amie de la personne. Et du coup, la mère porteuse, elle n'a rien reçu, mais elle a fait parce qu'elle voulait aider son amie. Donc, ça peut être un don. Mais après, une autre question se pose aussi. Il y a le lien entre le fœtus et la maman. Du coup... Après, ça dépend ce que c'est comme... comment elle porte l'enfant. Si c'est le père qui a fait un enfant avec cette dame et qui après garde l'enfant avec sa femme, ok. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait les deux gamètes des deux parents qui soient... dans le corps. Dans le corps, voilà, de la mère porteuse. Et dans ce cas-là, il y a c'est pas vraiment l'enfant de la... C'est juste une intubation, quoi. Ouais, en gros. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la mère porteuse, elle peut ou pas être la mère vraiment, tu vois. Parce que ce serait pas son ovule. Oui. Mais après, apparemment, il y a un lien qui peut se construire entre le fœtus et C'est ça. La femme qui est morte. Oui, après, tu vois, ça c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué à expliquer, c'est plus psychologique, etc. Ouais, parce que l'enfant il grandit avec toi, du coup tu crées des liens avec lui parce que tu vis avec lui quand même pendant 9 mois, donc mais c'est pour ça qu'on est en train de parler de ça. Oui, oui. Mais du coup, la question qui se pose, c'est que est-ce que vous êtes prête un jour ou prêt à avoir une mère porteuse, en sachant que entre votre bébé et la mère porteuse, il y aura forcément un lien. Et est-ce qu'après vous pouvez autoriser l'enfant à avoir la mère porteuse? Après, si j'ai pas la possibilité de faire un enfant par moi-même, je pense que je ferai soit appel à des mères porteuses ou alors l'adoption. Ouais. Et quand il aura l'âge de comprendre que c'est pas vraiment mon enfant, biologiquement c'est pas vraiment mon enfant, et qu'il sera mature, assez mature, et qu'il veut rencontrer sa mère biologique, moi, pour moi il n'y a pas de souci. Le fait qu'il veuille savoir d'où il vient, c'est normal. Ouais. Et je suis personne pour l'empêcher de savoir d'où il vient et quelles sont ses origines, quelle est sa mère biologique, etc. Quoi. Ouais. Et pour le coup, à ce niveau-là, je serais plus dans le sens où je favoriserais le fait d'adopter un enfant plutôt que de faire une... Mère porteuse. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi? Non, la phrase était bizarre, mais oui, de faire porter par une mère porteuse. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je trouve que vaut mieux adopter un enfant qui n'a plus de famille. Qui n'a plus de famille, voilà, plutôt que d'en faire un nouveau. Ouais. Et puis, après, ça reste plus moral, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça un peu plus... un peu mieux, personnellement, d'adopter un enfant plutôt que d'en refaire un nouveau. Je sais pas comment expliquer. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que vu qu'il y a déjà beaucoup d'enfants dans le monde et que le couple n'arrive pas à avoir un enfant, pourquoi ils essayent de... par tous les moyens d'avoir leur propre enfant, c'est ça? Ouais, dans le sens où l'enfant qui est adopté a autant besoin d'amour qu'un enfant à naître, et que vaut mieux peut-être adopter un enfant plutôt que d'en refaire un autre, parce que dans tous les cas... Il faut pas surcharger la terre. Voilà, et puis ces enfants-là, ils ont besoin d'aide, quoi. Ils ont besoin d'une famille, on a besoin d'un enfant, et cet enfant a besoin d'une famille, je trouve que c'est mieux que d'en faire un, quoi. Voilà, t'as compris. Ok. Du coup, une autre question. Donc, on parlait des mères porteuses. Est-ce que vous pensez qu'en France, il faut légaliser? Parce que c'est pas légal. Je savais même pas que c'était légal. Non, c'est pas légal. Non, c'est pas légal en France. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de couples homosexuels ou les parents en solo, ils vont soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Non, c'est pour ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut légaliser? Mais il me semble que j'avais déjà entendu des histoires comme ça, comme quoi il y avait des femmes d'origine du Moyen-Orient qui étaient qui faisaient ça, mère porteuse, et que pendant la crise du Covid, il y a plein d'enfants qui restaient bloqués là-bas parce qu'ils pouvaient pas passer les frontières, etc. C'est ça. Mais ça, je trouve que ça soulève un problème dans le sens où tu vas débaucher des personnes qui sont dans un autre pays parce que c'est moins cher et parce que... Parce que c'est légal aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et parce que c'est légal, mais alors que t'as d'autres solutions, par exemple, dans ton pays, tu vois, ça quelles sont les solutions ? Là, par exemple, adopter. Ouais. Ça reste une solution, mais c'est vrai que... Mais après, l'adoption, il me semble, après, je ne suis pas experte, mais c'est compliqué aussi. Et ça met longtemps. C'est ça. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça doit mettre longtemps aussi, je pense, de trouver une mère porteuse et de faire les démarches, etc. En tout cas, ça doit demander beaucoup d'argent si on est en France. Oui, aussi. Mm-mm. Et du coup, est-ce que vous êtes favorable ou pas à la légalisation ? Oui, moi... Moi, je pense que oui, parce que de toute façon, les gens le font quand même. Ok. Et puis, il y a des personnes à qui ça sert, comme tu as dit, les couples homosexuels ou les personnes qui sont infertiles. Et au lieu d'aller dans d'autres pays où peut-être que c'est moins, on va dire, cadré, ouais, mieux qu'il y ait un cadre en France et que ça soit bien structuré. Ouais, c'est comme les fins de vie. Je suis d'accord pour le coup. Je pense que. Fin de vie et début de vie. Pour le fait porter un cadre à ça et de faire ça en France directement, enfin ça pourrait être une bonne solution pour les personnes qui sont c'est ça, en nécessité. Puis même du coup ça ouvre l'opportunité, enfin ça ouvre à plus de personnes, à ceux qui ont moins de moyens, justement, en fait. C'est ça. Et Brittany, t'avais dit oui aussi, crois. Ouais. Rien d'autre. Non. Non. Ok. Ça marche. Ahmed, est-ce que t'es d'accord pour qu'on légalise les mères porteuses en France? Je pense qu'il y a une solution qui peut substituer ça, comme bébé éprouvette, les bébés éprouvettes. C'est quoi les bébés éprouvettes ? J'ai jamais entendu parler. C'est une technologie de mettre les bébés dans un... Parce que du coup, est-ce que le bébé, il est déjà conçu ou pas ? Dans une... utérus artificiel. Ah, ok, dans les utérus artificiels. Oui. C'est les bébés in vitro. Ah, ok, d'accord. Mais du coup, tu le fais avec les femmes qui n'ont plus d'utérus, c'est ça ? Oui, on peut le faire avec eux et avec les femmes qui ne peuvent pas agrandir un bébé dans ses ventres. Mais du coup, je comprends pas. Enfin, est-ce que du coup, l'utérus, il est dans le corps de la femme ou il est à l'extérieur ? À l'extérieur, dans un endroit. Je savais pas ça. En fait, c'est, on prend un ovule, un spermatozoïde, on les fait se rencontrer. Ouais. Ça fait un embryon et après on peut l'implanter dans une femme. Ah oui, ok. Il se développe pas totalement. Oui, voilà. Moi, je crois que genre il se développait à l'extérieur, mais oui, ça là. C'est incroyable. Oui, voilà. Ouais, mais là, du coup, là, c'est une fibre. Ouais, c'est une fibre, du coup. Enfin, fécondation in vitro. Ok. Du coup, je pense on a une dernière question pour vous. Que pensez-vous, on sort totalement de tout ce qui est femme, et avec ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des discriminations de donneuses et de donneurs de gamètes ? Je sais que pendant un moment... de gamètes. Gamètes. Déjà, je pense que niveau discrimination, pure et simple, je pense pas, niveau origine. Et si c'est dans des centres, etc., je vois pas pourquoi il y aurait des discriminations. S'il y a des discriminations, mais peu. Comme par exemple un couple qui est caucasien et qui ils vont demander à avoir un spermatozoïde, et le spermatozoïde qu'ils ont, ça vient d'un homme qui est noir. Et donc, à ce moment-là, ils vont dire, non, en fait, je veux un spermatozoïde d'un homme qui est blanc. Donc là, c'est une discrimination. Mais du coup, vous en pensez quoi de ça, du fait de pouvoir choisir un peu l'ethnicité, entre grosses guillemets, de l'enfant, du père ? Père ou mère, parce que du coup, père ou mère, parce que même aux États-Unis, maintenant, avec la technologie, on peut choisir la couleur des yeux de son enfant, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose où il faut légaliser aussi ? Ça se rapproche vachement quand même de l'eugénisme. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu des documentaires là-dessus et je pense que ça peut être un problème, en vrai, de vouloir contrôler à ce point l'ADN de son enfant et de vouloir en quelque sorte faire l'humain parfait. Ouais. Je trouve ça un peu glauque, en fait. Dans les Sims, quoi, tu crées ton bébé en mode je veux des yeux comme ça. Tu auras des humains mieux que les autres, encore une fois. Et ça peut ramener plus de discrimination après dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est ça. Mais après, c'est aussi une question de pouvoir. Est-ce que, du coup, les parents qui demandent que mon enfant soit tel ou tel, c'est parce que, du coup, c'est des parents qui sont riches, on va dire, enfin, les futurs parents qui sont riches. Et enfin, là, on va toujours revenir sur la question d'argent, mais en vrai, au niveau, dans les dons, il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que là, on dit, oui, on veut avoir un enfant, mais si on a de l'argent, ça veut dire qu'on peut avoir créé son enfant parfait. Oui, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez du fait que les personnes choisissent l'ethnicité du parent d'honneur de gamètes? C'est un peu dur. C'est compliqué comme question, mais ça mais après, plus de morale, tu vois. Ouais, mais après, il y a le pour et le contre. Comme par exemple, si tu as des parents asiatiques et qui veulent que leur futur enfant soit aussi asiatique, parce que justement, ils pensent que dans le futur, peut-être que l'enfant aura des problèmes sur son identité, ouais. Parce que l'enfant, il se dit, mes parents sont asiatiques et pourtant, j'ai une couleur noire. Enfin, ma peau, elle est noire. Comment ça se fait? C'est aussi beaucoup de discrimination dans le futur. Mais après, si les parents, ils choisissent la couleur de peau de l'enfant juste parce que il préfère ou telle culture, là ça devient une discrimination, mais ce n'est pas une discrimination s'il pense pour l'enfant, je pense. Après ça reste de la discrimination, mais moins dans le sens où juste parce qu'ils n'aiment pas la couleur, tu vois. C'est pour le bien de l'enfant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué comme question, et puis ça reste de l'eugénisme. Ça reste de l'eugénisme, ouais, mais c'est... Je permets mon bref. Mais oui, c'est vrai que choisir à quoi va ressembler l'enfant, etc., ça reste assez peu naturel, je trouve, personnellement. C'est ça. Et ben, on va se retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Donc soyez au rendez-vous. C'était votre émission Co-Exprime avec Queen, Emmanuel, Ahmed, Nehama, Brittany et moi-même. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle émission Co-Exprime, une émission entre jeunes de différentes convictions. Salut! Salut.